Débarquer sur Terre, ouais, débarquer sur Terre. Débarquer sur Terre, un débat sans frontières. Débarquer sur Terre, ouais, débarquer sur Terre. On est débarqué sur Terre. Débarqué sur Terre le 8 janvier 93 vers 17h, toujours à l'heure, sans jamais vraiment avoir de malheur, sauf un. Le déménagement, un tourment, un changement dans ma vie qui m'a fait perdre de vrais amis. On m'a enlevé, déraciné de mon 7-7 que j'aimais tant pour me déporter vers un nouveau département, le 44. Et depuis ce temps, j'ai commencé à rapper, à esquiver tous les coups qu'on a voulu me donner. Et je suis resté droit, et je n'ai pas eu tort. Car désormais, ce qui ne me tue pas, bien sûr, me rend plus fort. Assis par terre, le stylo en main, à dire ce que je pense, ce que je vis, ce que je rêve, mes délires, mes croyances, à partir de faits réels, de mes rêves, de ma vie. Celle-ci est magnifique, des hauts, des bas, mon amour, mes amis, je vivrai pleinement, ne courrai pas après la gloire, je continuerai de faire mon chemin, d'écrire mon histoire. Débarquer sur Terre, on a chacun nos vies, un débat sans frontières, on n'est pas des novices, toujours les pieds sur terre face à la réalité. C'est ta propre histoire que tu peux compter. Débarquer sur Terre, on a chacun nos vies, un débat sans frontières, on n'est pas des novices, toujours les pieds sur terre face à la réalité. T'auras toujours quelqu'un sur qui compter. Débarquer sur Terre à 20 novembre 1990, aux alentours de midi, entre Marseille et Nice. Grandir dans le changement, l'habitude de voyager. Mes petits, comment dire à des amis qu'on doit déménager? Nouveau collège, nouvel accent, nouvelle fille. Pas de repère, mais tout ira bien tant que le soleil et la lune brillent. Le rap et l'école ne faisaient pas l'affaire. Faut faire ce qu'on sait faire. Je poursuivrai l'inspi jusqu'en enfer. Rendre les miens fiers, que ceux qui m'entourent s'aiment. Et si je pleure, parie qu'on récolte ce que l'on sème. Je profite de la vie, crois-moi, je n'oublierai pas tous ces moments. Je me prends pas la tête tant que je vis dorénavant. Accompagné des gens que j'aime, tous ces bons délires. Même si le temps nous sépare, ça restera dans les souvenirs. Et le jour où je partirai, je serai fier. Car ma voix, elle, restera toujours sur terre. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. C'est ta propre histoire que tu peux compter. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. T'auras toujours quelqu'un sur qui compter. Moi j'ai beau être fou, mais ça te rend plus fier. Toi t'as beau être flou, mais moi j'ai pas plus clair. C'est la seule chose qui m'éclaire, la seule chose qui te rend sous. Moi les sous je ne sais qu'en faire. Car l'amour pour nous c'est tout. Toujours à la recherche de bonheur, de liberté. Les temps changent, on s'échange nos aventures, nos joies, nos excès. Paraîtrait que la terre est ronde et que chaque vie a une fin. C'est à toi seul de prendre ton destin en main. La vie n'est pas un dessin animé, ce n'est pas un film. Trop de gens ont déjà prouvé qu'elle ne tenait qu'à un fil. Alors maintenant que t'es arrivé dans ces filets, raconte-la nous et ne la laisse jamais filer. On se fait un petit stick pour notre comeback. Flashback. Même sous la pluie, sous l'orage. Même si parfois y'a trop de flaques. Le temps fait tic-tac. Et la vie est en vrac. Mathéo et Fak ils sont là. Notre rap est toujours intact. Et même si les années passent, on reste unis comme tic et tac. Y'a pas de tactique, juste la technique de la frappe. On se prend des briques, des claques. On prend nos clics et nos claques. Ça n'empêche pas qu'on mic en réplique. À base de clic-clac. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. C'est ta propre histoire que tu peux compter. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. T'auras toujours quelqu'un sur qui compter. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. C'est ta propre histoire que tu peux compter. Débarquer sur terre, on a chacun nos vies. Un débat sans frontières, on n'est pas des novices. Toujours les pieds sur terre face à la réalité. T'auras toujours quelqu'un sur qui compter.